L'extrait que nous avons choisi est tiré de la pièce de Molière intitulée Les femmes savantes, parue en 1672, et une œuvre très importante de la littérature française. Cette comédie de mœurs porte sur l'éducation des filles et dénonce ceux qui accordent trop d'importance au savoir et risquent pour cela de tomber dans l'erreur produite par cet excès. Philamante chasse la servante Martine à cause d'une faute grammaticale. Initialement, Chrysale, qui ne sait pas encore quelle faute a commis Martine, est d'accord avec sa femme pour la question de la chasser. Or, quand il apprend le crime commis par Martine, il est obligé de donner raison à sa femme, alors qu'il n'est pas de son avis et de celui de Belise. Le dialogue est caractérisé par le registre comique sensible dans la domination de la femme sur l'homme et dans le grotesque du renvoi pour une faute grammaticale. Ce registre est ici employé pour condamner l'excès du savoir dans la société. Nous avons décidé d'adapter cet extrait de dialogue à nos jours en jouant sur une faute grammaticale souvent faite parmi les apprenants et les locuteurs du français, faute classique traitée dans les cours de français à l'école. Dans notre dialogue, Martine est la jeune fille de Philamante et Chrysale. Les deux ne sont ni contents de ses prestations scolaires, ni de sa façon de parler et de se comporter, bien qu'il l'ait bien éduquée selon eux.